La música de Michel Verger comença avui una nova edició de Hola la música en Rafael Corbí. Connaître ton pouvoir, et de l'est jusqu'à l'ouest, et du nord jusqu'au sud, suis ta musique où elle va. Fais-les souffrir, fais-les bouger, mais fais-les rire. Mais de l'est jusqu'à l'ouest, et du nord jusqu'au sud, suis ta musique où elle va. El 1996 continuarà el nostre programa i ho farà amb quatre de les cançons que us hem triat d'un disc de Jean Leloup, aquest cantant que ens arribava concretament des de Sainte-Foy al Quebec, on va néixer l'any 1961, 14 de maig, conegut també com Jean Leclerc, com John DeWolf, com Masoud al-Rashid o com Roy Pondon. Va viure, va créixer de fet al Togo i Algèria, on va ser molt influenciat per els ritmes que es poden escoltar de música africana. Va retornar al Quebec l'any 1976, als 15 anys d'edat, i va aparèixer a l'escena musical als anys 80. Escoltem avui doncs alguna de les cançons que formava part d'aquest tercer treball discogràfic, d'aquest Le Dom del 1996, Jean Leloup. Hey. Hey. Maison bizarre, une sorte de vieux manoir où rien n'est à l'équerre, le plafond est par terre. Les escaliers tournants ne mènent nulle part. Ce sont des accessoires, et dans ma chambre il fait noir. Et dans ma chambre il fait noir, mon lit sur le côté, le plafond est par terre. Je dors les pieds en l'air, dans le manoir à l'envers, dans le manoir à l'envers. Dans le manoir à l'envers. Nous ne sommes plus que sept, ma sœur, ma mère, mon père, vos cousins et l'ancêtre. Dans le manoir à l'envers. Le manoir à l'envers. Nous ne parlons jamais, à quoi nous sert de parler. Nous nous réunissons à l'heure du dîner. Et c'est un peu triste à voir la table de côté, les sept chaises bancales. Le silence est total, nous lisons quelques livres, il y en a des milliers, mais aucun de nous livre une quelconque pensée. Hey, hey, hey. construisit un jour ou une nuit. Ce manoir maudit, cette cacophonie. Mais parfois notre ancêtre, entre deux balbutiements, nous livre le secret. Mais personne ne le comprend. Mais personne ne le comprend. Pour être au niveau 18, la terre ne tourne pas et Dieu est quelque part. Quelque part par là-bas. Quelque part par là-bas. Dans le manoir à l'envers. Dans le manoir à l'envers. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Ce jour-là, il me tenait, il me lâchait pas.

I l'última de les quatre. Jean Leloup, protagonista avui a l'Ala Música. Les humains sont méchants et la terre est cruelle. Je

gagner tout le monde au loto. Nostracalus. Dominique, la coutille, Sig Paris, Bresto. Quelle est Thaïs. Ça veut dire que l'avenir, ce sera du gâteau. Isegius. Nostracalus. Il sait tout, Nostracalus. Il voit tout. Ha ha! sont mes voisines. Je voudrais leur dire de monter me voir, sortir avec elles, dîner aux chandelles avec Claire et Anne. Claire est la plus grande, Anne a la plus tendre, ça m'est égal. Ceux qui cachent sous leurs fenêtres les motards du vendredi soir, au fond elles s'en moquent, mais elles les provoquent, Claire et Anne. Derrière les rideaux se doit être penché Claire et Anne. Seul dans ma cellule, je suis ridicule, ça leur est égal. Descendre un étage, faire le grand voyage, Claire et Anne. Trouver le courage de casser la glace, d'être face à face. Un jour, elles s'en iront peut-être avec un de ces voyous-là. Je suis trop timide, faut que je me décide, Claire et Anne. Vite mes habits, mon vieux costume à couleur incertaine. Dites donc, vous montrez pas, faut pas qu'on vous voie. Je suis le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé. Il est le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé. Le rideau va se lever, on éteint les lumières. T'es à ta place, ne bougez pas, taisez-vous les gars. Dans 10 secondes, on va commencer, cachons vite nos bières. Qu'est-ce que vous foutez avec vos verres? Rangez-moi tout ça. L'idole vient d'entrer dans son habit de lumière. Poussez-vous les gars, ne vous montrez pas, faut pas qu'on vous voie. Je suis le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé. Il est le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé. Pourtant tous les soirs, tout de suite après le gala, je saute sur mon Vespa et je rentre vite chez moi. J'éteins la lumière sauf un néon, je prends ma guitare, je joue le rock and roll, le rock and roll. Debout devant la glace, j'ai mis mon blouson noir très très usé, et je m'asperge de brillantine, y en a même pas assez. Et je m'admire et je m'adore, ah si vous me voyez chanter le rock and roll, le rock and roll. Faire remarquer. La foule est là debout, faut voir à chauffer l'atmosphère. Attrapez-le, attrapez-le, il va se faire remarquer. Mais l'idole me fait signe que ce soir je suis viré, et que je ne suis pas le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé. Sur mon Vespa super chromé, donner à ma guitare des allures de monstre d'acier. Allumer le néon et recommencer à chanter le rock and roll, le rock and roll. Debout devant la glace, j'ai mis un jean de deux tailles en dessous. Malgré mes 28 ans, j'ai encore l'air super dans le coup. Mais je garde ça pour moi, je veux être seul avant d'en rechanter le rock and roll, le rock and roll. Esteu escoltant Hola La Music amb Rafael Corbí. Cœur de Paris, tu bats pour qui? Pour ceux qui roulent en carrosse, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui se couchent tard,